L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, en effet, le journal d'une apparition, ce d'après l'œuvre de Robert Desnos, adaptation et mise en scène de Gabriel Dufay, qui, pour lui, c'est un projet important, très personnel, autour de la poésie de Robert Desnos, qu'il aime, semble-t-il, avec passion, et Pauline Masson va nous le confirmer. Deux interprètes, il se met en scène lui-même, dans donc les deux rôles occupés par les deux artistes, Gabriel Dufay et Pauline Masson, notre invité. Notre invité qui va nous parler d'apparition, de disparition. Je crois savoir qu'elle est épouse de la nuit, étoile, sirène. En tout cas, il sera certainement question de cette présence mystérieuse, de cette mystérieuse apparition. Bonjour Pauline Masson. Bonjour. Alors, spectacle journal d'une apparition, un spectacle où il est question d'amour, d'amour sans retour, d'amour fou, un combat entre le rêve et la réalité. Un combat et également un embrassement, puisque pour Robert Desnos, la réalité et la fiction ne faisaient qu'un. Voilà, et amour non partagé, certes, au tout début. C'est la première partie du spectacle qui retrace effectivement l'amour qu'il a porté à Yvonne Georges, une chanteuse de cabaret qui n'a pas payé son amour en retour. Histoire vraie alors ? Histoire vraie, tout à fait vraie. En fait, le journal d'une apparition qui donne son titre au spectacle, c'est un journal que Robert Desnos a tenu de 1926 à 1927, où il retrace sa relation fantasmée, mais tout autant réelle pour lui, les apparitions d'une mystérieuse, ainsi qu'il l'appelle, qui venait le visiter toutes les nuits. Mmh. Cette mystérieuse, on peut penser que c'est donc Yvonne Georges, qui l'aimait à la folie et qui ne payait pas son amour en retour. On peut aussi penser que c'est l'inspiration, la poésie, la force créatrice. Yvonne Georges meurt en 1930, et peu avant cela, Robert Desnos a rencontré Yuki Fujita, la femme du peintre Fujita, avec qui il va vivre une histoire d'amour réalisée, mais contrariée tout de même, c'est-à-dire qu'il va effectivement vivre avec elle. Mais Yuki n'est jamais là, Yuki est une femme libre, s'en va, il l'attend son retour et finalement quelque chose se perpétue. Mmh. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Toujours l'amour. Toujours l'amour. Alors, la question qui me vient immédiatement un petit peu quand on parle de mystérieuses apparitions, c'est au théâtre, comment se faire apparaître et voir incarner cette mystérieuse apparition ? Eh bien, c'est toute la question que nous nous sommes posées, effectivement. Quand Gabriel m'a proposé de jouer dans le spectacle, il ne m'a pas dit « tu vas jouer Yvonne Georges puis Yuki Fujita ». Il m'a dit « je voudrais symboliser la présence féminine ». Puisque d'ailleurs, pour Robert Desnos, même s'il y a deux incarnations terrestres de la mystérieuse, finalement, c'est la même femme pour lui et le même amour qui se régénère d'une femme à l'autre. J'ai bien compris. Vous évoquez plus que vous incarnez le rôle, c'est ça ? Exactement. L'idée n'est pas d'être Yvonne puis Yuki, mais de tracer la continuité entre ces deux femmes. Et tout est passé par un fort travail, bien sûr, lumière, scénographique. Et musical. Et musical, extrêmement, avec Antoine Bataille au piano. Mmh. Et pour apparaître et disparaître, eh bien, il faut travailler la démarche, travailler la chorégraphie aussi. On a beaucoup travaillé avec Corinne Barbara, qui est l'assistante sur le spectacle et chorégraphe. Voilà. Oui, parce que rendre visible, et en même temps, il ne faut pas rendre visible l'invisible. Exactement. Mais l'évoquer, alors ça se déploie dans des objets du quotidien, je crois savoir. Tout à fait. Sur la scénographie, Gabriel voulait une chambre, puisqu'il était inspiré par plusieurs idées. L'une des premières idées, c'est évidemment l'atelier de Robert Desnos, sa chambre, l'atelier qu'il partageait avec André Masson à la rue Blomet. Et puis, une de ses autres inspirations était la BD Little Nemo, une BD de 1905, où dans chaque vignette, on peut voir les aventures merveilleuses d'un petit garçon, qui sont en fait des aventures qu'il rêve ou cauchemarde, et à chaque fin de page, il se réveille en tombant de son lit. Ce qui, pour Gabriel, avait un fort lien avec l'univers fantasmé de Robert Desnos, qui voyage autour de sa chambre, plus qu'il ne voyage en réalité physiquement. Les objets du quotidien, donc un lit, le bureau de l'écrivain, pour symboliser l'écriture, et quelque chose malgré tout de très épuré pour ne pas tomber dans un naturalisme qui aurait contraint le rêve et n'aurait pas permis au poème de se déployer. Le lit qui devient bateau, les draps qui deviennent la mer, c'est exactement ça ? Donc évocation effectivement, je n'en dis pas plus, gardons du mystère derrière cette mystérieuse. Alors texte, on a parlé du journal d'une apparition, mais Gabriel Dufay a tissé son travail d'écriture avec d'autres textes, Les Ténèbres de Robert Desnos. Je crois qu'il y a eu d'autres recueils qui ont servi de matière, de matériaux. Effectivement, l'idée de Gabriel était de proposer, au-delà de, d'un déroulé chronologique, disons, de proposer un vrai voyage au travers de l'œuvre de Robert Desnos, qui est extrêmement foisonnante, non seulement en quantité, mais aussi diverse, puisque Robert Desnos a été touche-à-tout. Il a écrit des poèmes, ce qu'on sait, les comptines pour enfants, que la plupart des gens connaissent, mais il a également écrit des critiques de cinéma, des slogans pour les pubs, des scénarii, etc. Et l'idée était vraiment voilà, de traverser tout cela. Et on a commencé avec une matière littéraire énorme dans laquelle il a fallu faire des choix. Et au final, Gabriel a choisi donc certes les poèmes dans un ordre plutôt chronologique pour respecter le déroulé. Et également la correspondance avec Yuki Fujita pour la seconde partie. Correspondance d'ailleurs à sens unique, comme je le disais, puisqu'elle ne lui répond pas. Les billets d'Yvonne Georges, car elle lui adressait des billets... pour lui donner rendez-vous, mais pas pour combler son attente, malgré tout. Un extrait de scénario à un moment, un extrait également d'une pièce de théâtre que Robert Desnos a écrite, La Place de l'Étoile, et beaucoup de correspondances, et pour la dernière partie, les lettres envoyées à Yuki Fujita depuis les camps de concentration, puisque Robert Desnos a été déporté. Que de déchirement dans tout cela. Alors, sur scène, un duo d'acteurs, j'emprunte les mots dans des chroniques de presse qui sont publiées à la suite des représentations, un duo d'acteurs qui irradie de présence par la seule force poétique du verbe, sensualité des corps, ivresse des mots, là où aussi l'amour semble folie quand la passion est à ce point débordante et dévorante. Une autre chronique qui nous ramène effectivement sur aussi l'intérêt de ce type de spectacle, un spectacle rare, en un temps délétère, d'obsession triviale, qui participe avec cœur à l'indispensable réenchantement du monde. Ça doit être des chroniques qui font du bien à ceux et celles qui sont sur scène. Oui, ça c'est sûr, et puis surtout qui confirme l'intuition de Gabriel, qui est que la poésie est nécessaire, et intuition que je partage forcément, nécessaire et plus que jamais en ces temps compliqués. Et à ce sujet, est-ce que je pourrais vous lire une petite citation de Robert Desnos qui nous plaît énormément et qui résonne particulièrement en ce jour? Robert Desnos dit dans Les rayons et les ombres, un recueil de critiques cinématographiques, « À la génération de cadavres qui prétend nous régir, nous abandonnons les cendres de l'aiglon et les outils des fossoyeurs. Nous gardons notre disponibilité pour l'amour et la révolte. » Magnifique, de la poésie, forte, avec effectivement fulgurance. On parlait dans d'autres critiques les mots de Desnos sublimés par Gabriel Dufay au niveau de l'écriture poétique, troublante également, car effectivement on est à la limite de ces émotions, de ces sensations. Poète des songes, si ça se vérifie effectivement. On a écrit que Robert Desnos était un poète mal aimé. C'est un peu pour ça que Gabriel Dufay a voulu lui rendre un hommage sous cette forme, peut-être ? En partie aussi, oui, puisque d'ailleurs Robert Desnos l'a dit lui-même avec une sorte de lucidité assez impressionnante à la fin de sa vie. Il a dit « Ne restera de moi que quelques poèmes éparpillés et les comptines pour enfants ». Il l'a dit mieux que ça, mais c'est en gros ce qu'il a dit. Et c'est vrai que ce qu'on sait de Robert Desnos, c'est le surréalisme. Les comptines pour enfants et la déportation dans les camps. Ce qui est bien réducteur par rapport à une œuvre et une vie également, une vie qui embrasse l'œuvre justement dans une sorte d'intégrité et de droiture, l'engagement dans la résistance, qui sont comme extrêmement, extrêmement estimables et qui méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Spectacle qui, au moment de sa création ou des premières représentations, a été labellisé Sélection Printemps des Poètes. C'est une manière effectivement de reconnaître cette dimension poétique et à partager avec le plus grand monde au niveau du public l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Robert Desnos et sa poésie. Juste un dernier mot sur la musique, car elle n'est pas anecdotique. Antoine Bataille, je crois qu'il joue en direct aussi, c'est ça ? Oui, il est sur le plateau. Oui, au piano. Au au piano. Et il a composé effectivement toute la partition musicale de ce spectacle. Lui. Oui, en lien avec Gabriel. Et ce qui est merveilleux dans ce que fait Antoine, c'est que certes, il a composé quelque chose qui est là, on a des rendez-vous, mais il s'adapte à chaque soir et il suit vraiment les comédiens au plateau. Il est avec nous complètement. Et c'est très agréable. Spectacle qui sera à découvrir les jeudis 24 novembre à 19h30, le vendredi 25 novembre à 20h30. Ce sera à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Merci Pauline Masson. Merci à vous.